Que je connais pas, mais plus on est de fous, plus on boit. L'ambiance est là, les discussions s'animent quand l'apéro arrive. Yeah, qui veut de la sangria? Merde, j'ai oublié le papier qui va bien dans l'entrée pour prévenir les voisins. Ils frappent à ma porte, la gueule à l'envers. Je vais leur ouvrir, c'est le bordel derrière. Je leur lance un bonsoir, ils ont l'air vénères. Il est pas trop tard, j'ai Le calme revient, on entend un murmure.